Et je remercie également le CIRA de Marseille de m'accueillir, d'abord parce que je ne connais pas le CIRA. Et je suis très très contente de venir dans un lieu qui est si connu et de vous rencontrer tous, puisque au cours de cette tournée, eh bien, c'est très fatigant, parce qu'après les conférences, on discute beaucoup jusqu'à des heures avancées de la nuit. Mais c'est intéressant parce qu'on peut rencontrer l'ensemble du mouvement libertaire. Et après Marseille, je suis invitée par les camarades de la Fédération anarchiste de la région, et après par les Suisses, par Bruxelles, par les camarades belges. Et c'est très très intéressant de rencontrer donc un tas de personnes qui se posent des questions sur l'environnement, qui à propos de Bonaventure arrivent à discuter d'une certaine problématique. Alors pourquoi venir en 1993, venir parler d'école libertaire, alors qu'en France, la dernière école libertaire est morte pendant la guerre de 14-18, c'est de la ruche. Et pourquoi avoir attendu si longtemps pour se lancer dans cette expérience? C'est une bonne question à laquelle je vais essayer d'y répondre, et on verra après dans le jeu des questions-réponses le problème du comment. Tout d'abord, il y a des raisons tout à fait profondes et qui sont en même temps très personnelles. C'est-à-dire qu'à la veille de la quarantaine, de 20 ans de militantisme au sein du mouvement libertaire, syndical enseignant, et de la faillite du syndicalisme enseignant, et peut-être même d'une porte de sortie au sein de l'école d'État, eh bien, on se pose un certain nombre de questions sur la conjugaison du dire et de l'agir, de l'urgence, des batailles qui s'accumulent au fil des ans et qui se ressemblent toutes, quels que soient les sujets auxquels on s'affronte. Et puis également parce que, en tant que mère de famille, se pose la question de l'éducation de ma fille et de sa scolarisation au sein du système scolaire oléronais, qui, à côté des quartiers nord de Marseille, apparaît comme un système très riche, mais qui, comme toutes les zones rurales, se trouve confronté également à un échec très fort. Et également parce qu'en ayant eu cette petite fille il y a 6 ans, avec d'autres parents, au sein donc de l'île de Léron, nous avons ouvert une crèche autogérée avec 4 enfants dans une gendarmerie, et nous partagions les locaux avec les gendarmes. Nous occupions également des enfants des gendarmes qui venaient faire leur garde à tour de rôle, et qui à force ont eu marre de nous voir et sont partis, et qui maintenant socialisent 40 enfants, et plus d'une 100aine d'enfants ont défilé en 6 ans. Et avec des parents de cette crèche, on a eu envie de poursuivre cette éducation collective. Et à titre personnel, pour Jean-Marc et moi-même, ça nous a un petit peu confrontés dans l'idée que, en zone rurale ou à la ville d'ailleurs, notre environnement, les personnes, ne nous jugent pas tant sur nos idées que sur notre savoir-faire, que sur notre activité. Et qu'en tant que libertaire, on a fait la preuve que l'on pouvait faire un certain nombre de choses pour la société et pour nous-mêmes, et puis qu'on a envie de continuer avec des critiques tout à fait justifiées. Nous pensons sur l'assistanat social, et puis la mainmise du secteur associatif de l'État, par l'État, et en pensant qu'afficher directement la couleur, en se revendiquant de la liberté et d'une éducation libre, pouvait peut-être ouvrir non seulement l'anarchisme vers une pratique sociale, mais peut-être sortir également l'école et le discours scolaire de la technicité, du verbiage pédagogique qui ne recouvre qu'une réalité qui est celle de l'échec scolaire. C'était donc une attitude tout à fait personnelle, mais qui explique également l'ouverture de cette école que cette année, et qui de plus, en tant que militant libertaire, puisque nous sommes enseignants, on se tourne vers l'école parce que c'est quelque chose que nous maîtrisons, que nous essayons de maîtriser, mais qui a envie également de forcer un peu la main au mouvement libertaire dans son ensemble, à travers ses individus, ses associations, ses groupements politiques, voire ses syndicats, de sortir un petit peu du discours pour enfin rentrer dans une réalité sociale. Car peut-être, c'est dans l'agir, dans la créativité, que l'on va peut-être rendre crédible une certaine critique constructive de la société et recréer un espace d'espoir de justice sociale. Alors pourquoi ne pas continuer à travailler au sein du système d'État? Eh bien tout simplement parce que je ne vais pas m'approfondir sur la dimension d'école de classe, sur la dimension d'outils oppressif idéologique qu'est l'éducation, mais sur une dimension qui prend un poids de plus en plus pesant, de plus en plus important, qui est sur la culpabilisation que l'éducation en tant que telle fait peser ou laisser pour compte. Alors, je vais essayer de m'expliquer. On a vu que l'école avait pour était à la fois cause et effet de cause et effet de l'échec scolaire débouchant inéluctablement vers un échec social. Quel était effet d'une société de classe, quel était le miroir d'une société hiérarchisée, et que son plus gros travail n'est pas tant de scolariser, d'éduquer, voire d'instruire des enfants, mais bien de leur faire inculquer un certain type de comportement, leur faisant accepter l'idéologie dominante de la hiérarchisation des rôles, de la répartition des savoirs, de l'inégalité de fait des savoir-faire et des savoir-être et des savoirs intellectuels, et qu'à travers cette image-là, aujourd'hui, elle pèse de plus en plus, elle est de plus en plus lourde parce que si l'école est un outil oppressif au même titre que la famille, au même titre que la culture bourgeoise ou que l'attitude sociale en général, elle est de plus en plus pesante parce qu'aujourd'hui, les enfants de la classe ouvrière, les enfants des milieux dits défavorisés, ne sont plus simplement, si vous voulez, des sujets mineurs dès l'éducation nationale, c'est-à-dire avec une voie toute tracée vers l'ELEP pour les meilleurs, le CAP, l'enseignement patronal, voire l'enseignement spécialisé pour les jeunes qui sont en plus grande difficulté, mais deviennent complètement des objets déstructurés au sein de cet outil parce qu'il n'y a plus de repères sociaux en dehors de l'école. Parce que l'école, en tant qu'outil éducatif, donc de l'âge de 2 mois à peu près à l'âge de 27 ans et demi, c'est à peu près la moyenne, pour les bébés, pour les former, pour la formation professionnelle, pour les stages de réinsertion, pour les stages de RMiste, pour l'enseignement supérieur pour les meilleurs, eh bien devient le seul, on pourrait dire, le seul fil à plomb culturel. Parce que le reste de la société a complètement explosé, parce que la classe ouvrière en tant que classe culturelle n'existe plus, que les syndicats ne sont plus des références sociales, que cette culture propre à certaines régions, propre à certains métiers, a disparu à cause de l'école d'État au début du siècle, et aussi parce que la société n'a plus besoin de gens immobiles, mais bien des gens malléables, qui sont complètement déstructurés, eh bien, je trouve que ce rôle de l'école est de plus en plus fort, de plus en plus important, et quasiment pas dénoncé, quasiment pas pris en compte par les organisations pédagogiques ou par les organisations syndicales, quelles qu'elles soient. Hein? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les enseignants, en tant que porteurs d'une culture d'État, en tant que représentants de cette autorité culturelle, sont eux-mêmes pris dans l'engrenage. Je me mets dedans. Hein? Je fais pas fi de ma situation. Et pour exemple, très simple, ça va être le premier handicap, ça va être le problème de l'apprentissage de la lecture chez les enfants les plus défavorisés. Et le deuxième sera chez les adolescents donc de l'âge du collège, leur capacité à utiliser des concepts ou à utiliser un certain vocabulaire abstrait. Hein, c'est la difficulté en mathématiques, et puis notamment pour des matières telles que le français, l'histoire ou les langues. Et cette difficulté, elle est issue effectivement d'une origine sociale, mais également elle est imposée aux enfants par les enseignants, par les éducateurs, par tout l'outillage socioculturel qui a acquis ce langage-là, qui le reproduit et qui, de fait, par une attitude à la fois physique et à la fois conceptuelle, eh bien, se retrouve pris dans l'engrenage. C'est-à-dire que je ne tiens pas à responsabiliser individuellement tous les travailleurs sociaux, parce que je mets les travailleurs sociaux là-dedans, sur leur responsabilité quant à cette reproduction de l'oppression culturelle et donc... aujourd'hui, dans les sociétés capitalistes, une oppression sociale, hein, mais simplement parce que cet outil qu'est l'école laïque, qui à un certain moment, jusque dans les années peut-être 20, pouvait apparaître un petit peu comme un consensus révolutionnaire pour alphabétiser, conscientiser la classe ouvrière, aujourd'hui n'est plus un outil pour mettre à bas cette idéologie dominante, mais est un outil pour faire accepter le consensus social de la désespérance, hein, de la désespérance des 3 millions de chômeurs, de l'inéluctabilité de l'échec scolaire, de l'incapacité des enfants qui n'ont pas un certain niveau de langage de ne pas être intelligents. Et je crois que c'est la plus grosse aujourd'hui difficulté que de faire comprendre cette oppression spécifique de l'école. Et certains ont essayé, en tant que mouvement syndical, en tant qu'organisation pédagogique, de transformer ce rôle de l'école. Les premiers ont été en France... le mouvement syndical, à travers l'émergence de l'école Freinet et à travers également des expériences d'université populaire, voire d'école libertaire, on y reviendra tout à l'heure. Ailleurs, le problème s'est posé un petit peu différemment. Mais si aujourd'hui, le mouvement Freinet en tant que tel, le mouvement syndical en tant que revendication d'égalité, parce que faut pas oublier que dans le mouvement syndical enseignant, la revendication pédagogique, elle est présente, elle est inéluctable. Et bien même dans le mouvement syndical libertaire, pourrons-nous dire, cette critique de l'école n'apparaît pas, parce que cet appareil unique, qui est la plus grosse entreprise de France, hein, qui socialise à peu près 10 millions de personnes, si on pense au centre culturel, au stage ANPE, etc., c'est la plus grosse boîte de France, eh bien, elle est irréformable de l'intérieur, parce que ce n'est pas en changeant la couleur des murs, ce n'est pas en changeant la qualité du discours, quelle que soit cette qualité, que l'on va pouvoir réformer cette chose-là, cette oppression idéologique. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça va être un monsieur comme Philippe Mérieux, qui est un penseur universitaire très chic bon genre, et qui a montré que les alternatives au sein de l'éducation nationale sont impossibles. Je veux vous donner des exemples. Il y a plusieurs alternatives aujourd'hui au niveau éducation nationale, au niveau des écoles primaires, collèges et lycées. Il s'agit des lycées expérimentaux et deux écoles, l'école de Crolly et l'école Vitruve, qui ont demandé à l'État les moyens de pouvoir gérer l'éducation comme ils l'entendaient, avec des jeunes et des enfants en grande difficulté scolaire et sociale. Et ces écoles, au bout de 20 ans, pour les plus vieilles, 15 ans et 10 ans, ont prouvé que non seulement ils rabobichaient les enfants et les jeunes avec un objet culturel, mais qu'en plus il pouvait créer de l'excellence scolaire. Vitruve est l'école qui a le moins de redoublants du 20e arrondissement en 10 ans. En 15 ans, je veux dire. Les lycées expérimentaux qui fêtent leurs 10 ans ont des réussites au bac. Dans le cadre de la tournée de Bonaventure, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sortaient des lycées expérimentaux et qui étaient à un niveau d'études largement supérieur. Pourquoi ? Avec cet appui-là, avec l'appui, une volonté de réforme radicale ou moins au sein de l'éducation nationale, cet outil du tutorat, l'autogestion, la cogestion n'est pas utilisé, et bien tout simplement parce que l'école, elle est avant tout porteuse d'un discours hiérarchique, monolithique, et qu'elle ne supporte pas la différence, et qu'elle ne supporte pas le pluralisme. D'autres vont, au nom de l'efficacité, gommer le discours radical de leur idéologie. Je pense en cela au mouvement Freinet, j'en parle exprès parce qu'il y en a qui y sont, et qui, en 81, ont pris le risque de hanter les couloirs ministériels et universitaires pour se retrouver une image bon chic, bon genre. Et aujourd'hui, je suis très méchante avec la direction du mouvement Freinet. Oui, moi aussi. Mais je crois que ce que les chercheurs en sciences de l'éducation, ce que les pédagogues en tant que militants ont oublié, c'est ce qui donnait la force du mouvement Freinet, ce qui pouvait donner la force de certaines écoles, et notamment, je pense à l'école moderne de Francisco Ferrer, ce n'était pas tant l'habillage de la pédagogie que l'objet de la pédagogie, qui était premièrement de créer un outil d'émancipation aux enfants de la classe ouvrière. Et qu'après tout, Freinet, c'est pas parce qu'il était gazé, tout simplement gazé, qu'il crée de l'autogestion dans son école, c'était parce que, avant-guerre, on pensait que les ouvriers devaient à la fois être bien dans leur corps, bien dans leur tête et bien dans leurs mains. Et qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre ces trois aspects d'éducation. Francisco Ferrer et Sébastien Faure et également Paul Robin se sont complètement inspirés de cette idée que c'est en étant libre qu'on devenait quelqu'un de libre, c'est en faisant de l'autogestion qu'on devenait un militant autogestionnaire, et c'était donc en créant un savoir-faire qu'on devenait un ouvrier qualifié. Et je crois que cette idée-là de la pédagogie non plus vidée de son sens, mais au service d'une contre-culture, quelle qu'elle soit, au service d'un contre-savoir-faire, quel qu'il soit, eh bien peut donner sens à un enseignement et peut donner justement cette place au sujet, à l'individu, à l'école, alors qu'aujourd'hui, il est simplement objet de professionnalisme, objet d'échec scolaire ou objet d'études sociales. Et je crois que, à travers ce regard très dur que l'on peut porter sur les réformes de l'éducation nationale, on a également pris directement une filiation, à la fois avec le mouvement Freinet, à la fois avec le mouvement de la pédagogie institutionnelle, et également avec le mouvement libertaire. Pourquoi ? Parce que certains, après 68, ont dit que cette machine à décerveler était irréformable et qu'il fallait en sortir pour construire des îlots de liberté, des îlots d'utopie, des îlots de pédagogie alternative et créer un phénomène de boule de neige qui allait pouvoir peut-être transformer non plus l'école de l'intérieur, mais l'école du dehors. Et cela, certains ont même démarré très largement en 1968, je pense à l'école Montessori, il y en a une vingtaine en France, au mouvement des écoles nouvelles, et également au mouvement des écoles Steiner, qui sont nées également au début du siècle. Et en faisant le tout pédagogie, pour créer des enfants libres, des enfants constructeurs de savoir, ces écoles ont simplement oublié un certain nombre de choses. La première, qui est que de l'isolement eh bien, ne peut naître que la mort, soit financière, et beaucoup d'écoles sont mortes de solitude, de fatigue institutionnelle, parce que l'innovation pédagogique, c'est très fatigant, que d'autres ont oublié que le capitalisme pouvait largement s'adapter à une pédagogie ouverte, semeril, scolarise en majorité des enfants issus de la haute bourgeoisie japonaise et de la haute bourgeoisie anglaise. Et semeril est une anti-école, est une école libertaire. On n'est pas obligé d'apprendre à lire, à écrire et à compter. On le fait que si on en a envie, je veux dire, c'est le summum de la liberté. Eh bien, Summerhill vit largement dans une société anglaise hyper hiérarchisée et des enfants qui seront sûrement les grands patrons des entreprises japonaises. D'autres ont simplement tellement une vue pédagogique sur le système que le mouvement Steiner ne devient qu'une école très particulière, notamment bon, en Suisse, en Belgique et en Allemagne, mais en se coupant d'autres alternatives, soit culturelles d'ailleurs, soit économiques, eh bien ces mouvements sont largement acceptés par la société et vivent depuis 50 ans ou centaines d'années sans pour autant bouger les choses. Alors, est-ce que pour autant il faut en rester qu'au stade du ni à l'intérieur ni à l'extérieur? Et comment cela se fait-il qu'une petite école qui tire des bords sur l'île de Léron en 93 va-t-elle résoudre cette problématique de la réforme-révolution, du tout pédagogisme ou du tout autogestion? Eh bien tout simplement, quand on s'est lancé dans cette histoire de bonne aventure, à travers donc un travail avec des non-militants, avec des parents, des associations, on ne s'est pas posé comme une alternative à l'école. Il y a une petite classe rurale de 7 élèves scolarisant les enfants de 4 ans à 12 ans ne peut pas être une réponse à l'échec scolaire, non seulement de l'école primaire, mais du collège, du lycée, des stages de réinsertion. Nous voulons un espace et un moment d'une des alternatives à l'échec scolaire. C'est-à-dire que, avant même d'ouvrir, nous prenons des contacts avec des personnes, des groupes, des associations, des syndicats qui cherchent, qui réfléchissent au sein de l'éducation nationale et à l'extérieur de l'éducation nationale à l'échec scolaire. Et il apporte des solutions à l'échec social et il apporte des solutions. Parce que si l'échec scolaire touche en priorité, par exemple, les enfants de la classe ouvrière, on peut penser que le statut même de l'enfance est porteuse de cet échec. On peut se poser la question si l'école n'est qu'un miroir de cet échec. Est-ce que en aval et en amont, on ne peut pas corriger un certain nombre de choses, notamment la place de l'enfant dans la société, notamment le statut de mineur, de personne mineure, qui n'a le droit à rien, qui n'est qu'une propriété familiale ou de l'État. Pourquoi, comme certains utopistes, certains penseurs au début du siècle, ne pas donner notre place à l'enfant? Notre place aux personnes interdites d'école, qui sont les fous, les malades, les handicapés, qui eux-mêmes se retrouvent à statut de mineur. Pourquoi ne pas réfléchir sur la capacité de cette magnifique usine à se transformer et à parler d'enveloppe éducative où on pourrait rentrer et sortir du système éducatif, où on pourrait également non hiérarchiser les apprentissages, etc., etc. Et dès qu'on essaye de porter une réponse globale, dès qu'on essaye un petit peu d'aller au-delà de l'enfermement scolaire, eh bien, on est obligé de s'adresser à la fois à des alternatives scolaires, mais également à des alternatives sociales, avec des organisations de jeunes, avec également des alternatives économiques, des alternatives qui vont toucher la vie à tous les endroits. car dans les banlieues, dans les villes, même à la campagne, eh bien, c'est pas tant un problème d'école, un problème culturel, qu'un problème de chômage, qu'un problème de solidarité, qu'un problème de logement, qu'un problème de médecine, etc., etc. Et à partir de là, se pose plus le problème que de l'école, mais se pose le problème d'une réponse globale à l'injustice sociale, d'une réponse globale au désert culturel. C'est pourquoi Bonaventure, en préalable à son ouverture, va tout de suite s'ouvrir et dire « Nous, on ne veut pas reproduire l'enfermement syndical corporatiste, l'enfermement tout pédagogique des écoles alternatives privées. On veut contacter d'autres personnes, d'autres groupes. Et de cette convergence, de cette confrontation, peut-être naîtront non seulement des réponses à l'échec scolaire, mais en plus peut-être un objet culturel, un objet révolutionnaire qui est une ouverture vers une société plus juste. » Et de cette réflexion va naître l'intitulé d'école libertaire. Parce que de fait, Bonaventure renoue avec l'école moderne, avec son puits, avec la ruche. Et même avec le mouvement Freinet, avec l'école de Vence, parce que lorsque Sébastien Faure ouvre la ruche, non seulement il ouvre une école libertaire, libre, gratuite et laïque, mais en plus, c'est un lieu de production. Les enfants sont producteurs, membres du circuit de distribution du mouvement coopérateur. Ils sont à la fois ni apprentis ni salariés, puisqu'ils sont apprentis travailleurs et travailleuses. Et Sébastien Faure n'avait pas forcément choisi une voie la plus facile, parce que je prends l'exemple de l'atelier de typographie. Eh bien, la ruche s'est trouvée souvent opposée à la chambre typo de Paris, gérée par le mouvement libertaire, puisque Sébastien Faure formait à égalité filles et garçons, ce qui n'était pas dans l'air du temps des camarades anarcho-syndicalistes de la CGT. Si Francisco Ferrer se fait fusiller à Montjouy, c'est pas tant pour l'ouverture d'une école rationnelle et laïque, c'est aussi parce que l'école moderne, elle était ouverte le soir aux sections syndicales de la CNT, qu'elle était portée par un mouvement syndical et qu'elle devenait également un espace et un enjeu révolutionnaire. Et Bonaventure se met dans cette droite lignée idéologique, c'est-à-dire que l'école, elle est une alternative libertaire à la société. Elle ne sera pas une réponse à l'échec scolaire, elle se veut à la fois dans l'espace du dire et de l'agir. C'est-à-dire qu'on a des critiques à apporter à la société, des critiques à apporter au système scolaire, et on va essayer de concrétiser, de mettre à l'épreuve de la réalité nos propositions. Alors, comment va-t-on le faire? Eh bien, l'école Bonaventure, elle est particulière, pas tant sur le système pédagogique, sur la place de l'enfant, que sur la gestion institutionnelle. Tout d'abord, l'enfant est membre de droit de l'association et en tant que tel a droit de regard sur l'embauche du personnel, sur les décisions financières. Il va donc apprendre à gérer une institution, va donc apprendre ce que c'est que la citoyenneté en acte, ce que c'est que le partage, la confrontation avec des personnes plus petites et également avec des personnes plus grandes qui sont les adultes. C'est peut-être une utopie, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps, c'est quelque chose qui a existé dans une école en Espagne qui s'appelle Bamposta, mais qui peut-être... Tenue par un curé. Comment ? Oui, tenue par un curé qui a ouvert sous Franco, faut le dire. Mais cette place de l'enfant, elle est quand même très, très reprise par d'autres écoles avec lesquelles nous sommes en contact, qui sont Los Arenaleros, qui est une collectivité libertaire agricole actuelle d'Andalousie, et une autre école qui s'appelle l'Assemblea, qui scolarise une centaine d'enfants en Espagne, et qui visiblement donne une part très importante à l'institutionnel, justement pour apprendre à l'enfant à être sujet et acteur de la gestion. Que d'autre part, N'étant pas pour la personnalisation de la pédagogie, c'est-à-dire que Bonaventure n'est pas l'enfant de Jean-Marc et de Tide, pour ne pas personnaliser régionaliser un petit peu cette école, et parce que nous ne faisons aucune illusion sur notre capacité à supporter une alternative scolaire et sociale, parce que nous ne croyons pas au phénomène de boule de neige, eh bien nous pensons que la propriété doit être collective, que nous vendons des parts d'école, nous vendons des souscriptions pour faire fonctionner l'école, pour que cette école soit gérée collectivement pour un mouvement social, un mouvement libertaire, qu'il y ait des personnes qui, en tant que libertaires, participent à l'expérience, et que d'autres, en tant qu'alternatifs, en tant qu'écolos, en tant que parents, en tant que tout ce qu'on veut, essayent de gérer également, à travers des horizons politiques, sociaux et professionnels différents, une œuvre commune. Et si nous ne gagnons pas ce pari, si nous n'arrivons pas à nous ouvrir vers les autres, vers un mouvement social, l'école ne peut pas ouvrir puisqu'elle est gratuite, puisqu'elle n'est pas subventionnée. Et c'est donc un pari à la fois nécessaire pour notre survie et en même temps qui dit à la fois aux personnes en opposition au système capitaliste de se regrouper et de réfléchir ensemble, quelle que soit leur opinion et leur mode de vie. Qu'ensuite, ne voulons pas non plus tomber dans la propriété politique et la propriété professionnelle de l'aventure. Eh bien, nous pensons que les enseignants, les personnes qui auront un poids très fort ne doivent pas cumuler leur présence et doivent, par exemple, quitter la classe ou l'animation au bout de 4 ans. C'est-à-dire que les gens doivent rentrer et sortir. Il y a plein de choses à proposer. Et puis, quand on critique une norme, c'est bien d'y retourner. Et que ne nous faisant aucune illusion sur l'île de Léron, qui n'a que 12 000 habitants, je le rappelle, eh bien, les locaux seront mobiles. C'est-à-dire que, non seulement la propriété des collectives, mais en plus, les locaux, le jour où Léron, il n'y a plus rien, où il y a un essoufflement institutionnel, eh bien, ces locaux seront offerts à une autre ville, à une autre région, pour faire un lieu qui n'est pas forcément scolaire, qui peut être un lieu alternatif large, et l'expérience, elle se renouvelle, elle tourne. Le principal, c'est qu'elle est démarrée quelque part. Et à partir de là, on renoue avec une tradition à la fois utopique et à la fois très, très réaliste de notre capacité à gérer des brèches idéologiques dans le marasme social actuel et également dans le marasme politique. Je ne veux pas trop approfondir le fonctionnement institutionnel de Bonaventure, parce que je pense que c'est à travers cela qu'on pourra peut-être approfondir le débat. Mais je tenais quand même à vous dire que, à travers cette volonté donc d'image de non-propriété, nous avons créé une commission à laquelle nous tenons beaucoup, nous, les parents et les fondateurs, entre guillemets, du projet. C'est ce qu'on appelle la commission extérieure. Je vais vous expliquer grosso modo, et modo grosso. Donc, Bonaventure sera géré à la fois par les enfants, les parents, les acteurs, et puis les membres de l'association qui se réuniront une fois par an dans un congrès qui décideront des grandes lignes de l'aventure. Mais pour juger l'association bout de ficelle, pour évaluer ce qui se passe dans la classe, dans l'école, dans la vie institutionnelle, dans la gestion financière et associative, eh bien nous avons créé une commission de regard extérieur qui s'adresse à des personnes en sympathie avec le projet, pas forcément libertaires, pas forcément membres de l'association, et qui se composera qu'à malentendre. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que c'est parce que vous êtes enseignant, vous êtes à même de juger ce qui se passe en classe. Et je pense que la diversité des âges, des expériences politiques, des professions de cette commission permettra justement de globaliser le regard. Et elle aura à juger ce qui se passe à l'école, à juger ce qui se passe au niveau des comptes financiers, des projets, et également la vie associative, et de rendre ce jugement public. aux membres de l'association Bout de Ficelle d'en faire ce qu'elle veut. Mais ce jugement appartient à tout le monde et pourrait être rendu public à travers la presse libertaire ou éducative. Et c'est quelque chose à laquelle nous tenons beaucoup parce que nous pensons que les expériences n'appartiennent pas forcément aux acteurs, mais doivent aussi être évaluées et appartenir aux gens qui sont un peu loin et qui ne peuvent pas y participer, mais qui ont assez de distance pour pouvoir peut-être des fois remettre les pendules à l'heure. Et avant de finir, toujours sur cette utopie un petit peu de la pratique libertaire aujourd'hui, nous avons ouvert, il y a 2 ans, l'association Bout de Ficelle qui gère l'école Bonaventure, un lieu de vie, pour permettre la scolarisation de personnes en difficulté et interdits d'école. Alors je pense aux enfants gravement handicapés, aux psychotiques, aux délinquants, etc., etc., aux SDF, comme on dit si bien. Et depuis 2 ans, nous gérons un lieu d'accueil collectivement. Et comme par hasard, on nous envoie chez les anarchistes des grands délinquants, parce que nous sommes encore les seules personnes qui disions qu'il ne faut pas tuer les grands-mères et tuer les gens pour leur voler leur porte-monnaie, mais c'est délirant. Hein. On n'a pas l'agrément d'AS, parce qu'en tant qu'anarchistes, nous sommes dangereux. Enfin, la justice nous envoie tous ces grands délinquants psychotiques qui n'osent pas voler la chewing-gum sur l'île de Léon. Comme quoi, hein, la morale libertaire est peut-être le dernier rempart de la propriété individuelle. Et le lieu de vie va permettre également non seulement d'intégrer donc dans le réseau ou dans l'école un ou deux jeunes en difficulté, mais va également être un apport financier et une couverture juridique à l'école, car l'école est hors statut, ne demande pas d'agrément, d'abord il nous serait refusé parce que sur l'île de Léron nous sommes connus, et que d'autre part nous ne pensons pas que un agrément institutionnel de l'État qui ne juge pas du tout la pédagogie mais qui juge plutôt l'état des portes de sortie, des escaliers de secours, la comptabilité générale qui est immense, puisse être une aide quoi que ce soit à l'école. Tout simplement parce que quand même, que ce soit dans l'institution ou hors l'institution, quand l'État a décidé de casser les choses, eh bien elles sont cassées. Hein. J'en veux pour preuve les derniers avatars des lieux de vie avec le Cigala, de Sébastien Faure avec La Ruche, ou de Sampuy avec, Paul Robin. Voilà ce que j'étais venue vous présenter au nom de l'équipe qui travaille autour de ce projet et de Jean-Marc Reynaud qui n'a pas pu venir aujourd'hui. J'espère que j'étais pas trop longue et que comme cela on va pouvoir faire un débat sur des points qui vous paraissent plus importants que d'autres ou sur certains points que j'ai volontairement mis de côté.